Nous sommes le 25 janvier 2021, bienvenue sur Balado Roller, le podcast sur le roller en français le plus écouté. Je suis Philippe, l'hôte de ce podcast, et je suis toujours en compagnie de Priscilla. Hello. Nous allons parler des épisodes 6 et 7 de la série Derby Girl, disponibles gratuitement en streaming sur la plateforme france.tv/. Alors, l'épisode 6 s'intitule Derby Girl. Alors, est-ce que tu as apprécié cet épisode? Oui, c'était mon épisode préféré parce qu'on comprend enfin la vraie définition d'une Derby Girl. Et ça m'a particulièrement touchée parce que j'ai ressenti un peu ces mêmes sensations et sentiments que Lola dans cet épisode. Eh ben, tu vas nous expliquer tout ça au fur et à mesure de l'épisode. Moi, je l'ai bien aimé, puisqu'effectivement, on arrive dans le monde du patinage artistique et on quitte le monde du derby. Donc, ça fait une vraie une bouffée c'est d'oxygène. Ça. Et enfin, on a ouais. du patinage. Ça, ouais, nous ouais, ouais. manqué, alors, hein, ça nous avait manqué. Ça nous avait manqué. Donc, Lola a laissé tomber ses amies lesbiennes du derby pour retrouver ce qu'elle croit être son monde, à savoir le patinage sur glace et un super show. Top tap on the oui. pop, d'ailleurs. On la voit vite déchanter quand on lui dit de ne pas manger de frites, qu'elle doit perdre du poids et qu'elle doit pas parler à la doublure, etc., etc., etc. Alors, j'ai beaucoup rigolé au moment de la scène de présentation des patineurs, parce qu'on est à nouveau dans le cliché. Hein. On avait eu déjà la présentation des Roller Girls tout au début de la série, avec les clichés de la Roller Girl, et là, on a vraiment les clichés de la patineuse artistique. Clichés qui sont plutôt justes, hein, presque vrais, hein, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup rigolé en regardant cet épisode. On retrouve vraiment voilà le coach gay qui est très efféminé et qui fait donc du patinage artistique. Alors c'est vrai que la communauté gay dans le patinage artistique est très présente. Après il y a pas que des gays dans le patinage artistique, donc c'est important de mettre un doigt là-dessus. Et la façon dont sont présentées les patineuses, moi ça m'a fait beaucoup rire aussi. Si tu remarques, elles sont toutes en rose, donc c'est très drôle. Hein. Ouais, après, c'est peut-être la polaire de qu'on ouais, leur a donné aussi. Il y en a une qui est en bleu, c'est la remplaçante, hein, donc elle n'a pas le droit à la couleur. Non, c'est important hein, de préciser dans cet épisode. Et les deux personnages masculins qui sont en bleu aussi, hein, donc le choix des couleurs a été réfléchi hein, dans cette scène. Hein. C'est super important. Ouais. Mais oui, voilà, on se retrouve effectivement. On a trois blondes d'un côté, deux brunes de l'autre, si tu regardes la scène. Donc c'est assez drôle de retrouver ces clichés-là, en fait, dans le patinage. C'est vrai que les patineuses aiment le rose, mais pas toutes, heureusement. On est bien des personnes à part entière. Et non, on n'aime pas toutes le rose. Voilà. Alors, donc là, le coach aborde le thème du show qui va être les migrants. Alors moi, j'étais morte de rire. Et en même temps, c'est très humour noir. Hein. T'en as pensé quoi, toi, de ce thème? On voit que Benjamin, là, il est là pour faire de l'argent et il en a rien à faire du sort des migrants, voilà, en fait. Voilà, c'est juste un prétexte, quoi. Mais c'est quand même la façon dont il le dit, on tombe vraiment dans l'humour noir, ce qu'on n'avait pas trop eu l'habitude jusque-là, en fait, hein, mais c'est assez drôle au final. Je sais pas si c'est l'humour noir, moi je dirais que c'est juste un imbécile. Déjà, il a pas à dire ce qu'il pense devant les patineurs. Ça. Puis bon, après on voit que c'est un imbécile quand il fait ses migrants, eau, réchauffement climatique, glace, enfin tout ça, ces trucs capillotractés. C'est hyper capillotracté, mais je te parle en tant que patineuse artistique, là, pure, j'en ai rencontré des gens comme ça dans le patinage artistique, ça existe. Sans parler de clichés, hein. Vraiment, ça existe. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc eux ils se comprennent, mais je pense que les autres ne comprennent pas leur niveau, leur deuxième c'est ou ça, troisième degré. C'est vraiment quoi. Un monde à part, quoi. Et là, je trouve qu'il est plutôt bien représenté. Hein. un moment, d'ailleurs, on en revient à dire, elles disent, tu sais, elles se retrouvent à table autour d'une scène, tu parlais de pas manger de frites, tu vois, on en reviendra après, mais où justement, elles disaient, on mélange pas les torchons et les serviettes, en parlant des remplaçantes et des premiers rôles, en fait. Où dans le patinage, il y a vraiment cet esprit un peu individualiste, élitiste, où justement, effectivement, on se croit un peu au-dessus des autres, quoi. Et ça, c'est peut-être plus flagrant en patinage sur glace qu'en patinage en inline et en roller, parce que ça touche pas les mêmes personnes, et même, ça touche pas le même milieu social, hein, il faut bien le comprendre, ça, parce que le patinage artistique coûte extrêmement cher, en fait, hein. Contrairement à une adhésion roller où dans les clubs ça peut tourner entre 50 € et 200-300 € maximum l'adhésion à l'année, en patinage artistique sur glace c'est minimum 500 € l'année dans les patinoires les moins chères, tu vois, parce que une adhésion à 1000 € l'année, c'est pas en tout cas en patinage compétitif, c'est normal, quoi. Voilà. Ouais. C'est sûr qu'une patinoire, ça coûte cher à entretenir. C'est ça. Et c'est vrai que le patineur, quand il y a séance libre, donc les gens viennent payer et pour la séance de patinage libre. Et alors que quand on entraîne quelqu'un, forcément, ça rapporte pas d'argent à la patinoire. Non. À la patinoire. Voilà. Donc c'est un peu normal. Enfin, c'est un peu normal. C'est comme ça. Hein, puis il faut louer la glace, en fait, et c'est ça qui coûte le plus cher au club. Alors autant quand t'as des patinoires publiques gérées par les mairies, l'adhésion est moins chère. Mais effectivement, la plupart des patinoires en France, elles sont privées, donc elles sont extrêmement chères à louer pour les clubs. Voilà. Voilà. Donc on en revient au fameux repas, la scène du repas. Alors moi je l'ai trouvé très intéressante, ce repas, et en même temps elles mettent le doigt sur quelque chose, un problème qui revient très souvent dans le patinage artistique. Donc c'est tous les troubles alimentaires. Hein. Donc on aborde le sujet de la boulimie, l'anorexie. C'est quelque chose qui est très présent dans le monde du patinage, alors peut-être un petit peu moins en France, c'est d'autant plus flagrant à haut niveau, et en Russie, c'est la question du poids, c'est vraiment un sujet important, donc c'était intéressant d'en parler, parce que c'est une vérité, en fait, hein. C'est une vérité, et en couple, ça a son importance, parce que tu peux pas prendre du poids, parce que sinon tu peux plus faire de portée. Dans le show, effectivement, au niveau des costumes, si tu grossis, la costumière, elle va pas refaire ton costume, parce que t'as pris des petits bourrelets, tu vois ce que je veux dire, donc... Moi j'avais vu un reportage sur Las Vegas. C'était l'histoire d'une Française qui travaillait là-bas. Alors je sais plus si elle était... si elle faisait du patinage artistique, de la natation synchronisée ou de la gymnastique, je sais plus, c'était un des trois, mais on la voyait, et donc elle faisait un show, tu sais, comme le Cirque du Soleil qui est à Vegas, c'est ça, ou c'est autre. Des grandes compagnies de spectacles de patinage, ouais. C'est ça. Et donc elle était là, et on voyait qu'elle arrivait donc largement avant le show pour se préparer, tout ça. Et dans son contrat, on l'avait pesé le jour de son contrat, on lui a dit, donc tu pèses, je sais pas, 56 kilos, tu dois rester entre 50 et 60 kilos, si tu dépasses, enfin si tu pèses moins, si tu pèses plus, tu es viré, et aux États-Unis, t'es viré dans la journée, mais par contre, ils accompagnaient la personne, elle arrivait tous les jours, et il y avait le coach qui venait l'aider à s'entraîner, elle faisait ses abdos avec un coach, et donc elle était suivie au niveau de son entraînement, et le poids, ils sont suivis, ils sont très suivis, mais ils ont les moyens aussi, en fait, donc là c'est ils essaient de le montrer un petit peu, donc forcément on a moins de moyens parce que ça reste un film, mais les athlètes, oui, comme ça en général, ceux qui participent à des shows très réputés, effectivement ils sont suivis, et puis ils ont plus de vie à côté, si tu veux, je veux dire, c'est il faut avoir des conditions excellentes à tout point de vue, quoi. Ouais, mais après, c'est un peu... Enfin, moi, je trouve ça tout à fait normal, parce que tu es là pour le show, t'es pas là pour... Enfin, t'as une prestation à faire, donc il faut... comme tu dis, hein, le costume, il va pas s'agrandir. Non, voilà, hein, c'est ça. Après, c'est vrai que ouais, c'est en ça. Russie, il y a ce culte comme ça de la patineuse très svelte de 14 ans ou qui doit pas absolument pas avoir un corps de femme, tu vois. Et là, Lola, dans son cas, c'est très compliqué pour elle parce qu'il lui dit, je crois au début, son entraîneur Benjamin, il va falloir que tu perdes tes 8 kilos trop parce que c'est pas possible. Et quelque part, c'est normal parce que elle a arrêté pendant, je sais plus, 10 ans le patinage, voilà. Donc forcément, sa morphologie a changé, complètement changé, entre ses 15 ans et ses 26 ans, entre, enfin voilà, l'arrêt du sport, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc c'est compliqué, mais comme voilà, comme on le voit. Elle en a quand même envie, ça a été son rêve en fait de retourner là, donc c'est plutôt cohérent qu'elle fasse l'effort pour. Tout à fait, ouais. Alors donc au début, on voit qu'elle a carrément tout perdu de son patinage artistique, elle n'arrive plus à rien, et puis bah, petit à petit elle va prendre la décision de se remettre à bosser et de retrouver ses marques. Et donc moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'au moins elle a pris la décision et elle s'est donné les moyens. Tout comme elle a dit, je veux devenir la meilleure derby girl du monde. Et ben, elle a lu pour passer ses minimum skills, elle a lu les bouquins de règles, elle s'est entraînée sur des quads devant chez elle aussi pour améliorer son patinage. Donc, elle a l'œil du tigre. Et moi, c'est premier épisode, Lola l'œil du tigre. Voilà. Elle a un caractère de merde, mais elle est, moins, voilà, elle est déterminée. C'est ça que j'aime bien dans ce personnage. Et c'est en ça que je me reconnais aussi. C'est que c'est cette détermination, c'est vouloir faire le meilleur, être la meilleure. C'est ce côté très compétitif qu'on retrouve dans le patinage artistique. Hein. On nous pousse à ça. Hein. On développe nos personnalités aussi à fond, tu vois, dans la détermination, dans la compétition, et donc c'est normal qu'on la retrouve justement dans cette situation-là et qu'elle en veuille, hein, au final. Hein. Donc oui, tu reprends l'échauffement. J'étais morte de rire pendant l'échauffement parce qu'effectivement, elle n'a plus rien d'une patineuse artistique à ce moment-là. Et c'est ça qui est très drôle parce que elle reprend vraiment des positions du derby que tu dois acquérir en fait quand tu commences le derby. Donc moi, je l'appelle la position caca, ouais. Hein, mais on est plusieurs à l'appeler comme ça, où effectivement on est penché en avant, fléchi sur les genoux, les fesses en arrière pour pouvoir donner des... enfin, pour pouvoir bloquer les joueuses, donc c'était très drôle, ouais, et effectivement... Position typique, ouais, qu'on la voit reprendre. Voilà, ouais, c'est fait, ça. Ouais. Et donc son entraîneur, à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette position caca que tu me fais, là? C'est pas possible. Et donc il dit, fais-moi un spread eagle. Donc en français, le spread eagle, c'est le grand aigle. On l'appelle le grand aigle, en fait, hein, en français. Donc c'est une figure, c'est une vraie figure de patinage artistique. Je tiens à le dire quand même, parce que... il a fait pas juste glisser sur la piste, donc c'est ça qui reste intéressant. Et moi, que j'ai bien aimé ce côté technique là à ce moment-là. C'est une figure qu'on apprend tôt, mais qui est difficile à maîtriser dans le temps pour qu'elle soit jolie. Et c'est une figure que tout le monde ne peut pas faire parce que il faut avoir la bonne ouverture de hanche. La façon dont elle le fait, hein, c'est-à-dire sur une carre extérieure. Parce que le grand aigle, ouais, tu peux le faire aussi en quart intérieur. Ça, on le fait aux débutants et c'est facilement accessible. Mais celui en quart extérieur, il est très dur à acquérir. Et voilà, je répète encore une fois, certaines personnes n'y arrivent pas et n'y arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas l'ouverture de hanche suffisante. Mmh, ouais, je confirme que bah, moi, même le petit aigle, j'y arrive pas, hein, de toute façon. J'ai essayé, mais... Bah, le petit aigle, ça va plus être une ouverture des genoux, mais le grand aigle, c'est vraiment l'ouverture des hanches. Donc, c'est une figure que j'adore faire sur glace et que j'adore faire sur une line aussi, et qui est presque impossible à faire en quad, en tout cas qui est très difficile à faire en quad de par la configuration des roues, en fait. Mais, ouais, mais c'est chouette, en tout cas, d'avoir fait ça comme figure. On s'attend pas forcément à ce qu'il fasse un grand aigle dans son show, en fait, hein. Moi, je m'attendais plus à des sauts ou des pirouettes, quoi. Ah non, justement, dans un show, je pense que tu vois tout, hein, tu vois. Oui, il y a tout. Ouais. Tu vois des attitudes, enfin bon. Alors moi, ce que j'ai pas aimé, mais je pense qu'on peut faire le reproche enfin on peut le faire le reproche même aux super productions américaines, c'est que t'as un gros plan sur les patins, donc ça c'est très bien. Oui. Et après t'as une autre scène et tu vois le visage de la fille ou du mec, enfin peu importe. Mm. Enfin tu comprends que c'est y a une doublure, et moi ça me, autant quand j'étais plus jeune ça me choquait pas, mais alors maintenant ouais. Dans tous les films, que ce soit des films d'arts martiaux ou de sport, je le vois tout de suite. Ah mais attends, mais là c'est pas possible quoi, ils ont pris deux personnes pour, enfin ils ont pris un cascadeur quoi, et ça ça là c'est flagrant effectivement, on voit vraiment deux patineurs différents. Le montage est compliqué hein, après je peux comprendre hein. Oui, c'est bien sûr. C'est compliqué. Alors, je peux même te dire la marque des bottines qui sont utilisées, patinage de la patineuse. Ce sont des bottines Jackson. Donc, et je crois que la doubleuse de Lola, je l'avais marqué, c'était Lucille Pirot. Alors, je ne connais pas cette patineuse. C'est pas une patineuse qu'on voit sur le circuit. Sur le circuit en patinage solo, donc peut-être que c'est une ancienne patineuse ou voilà. En tout cas, je ne sais pas qui est cette personne. Mais... Je sais pas. Je suis allé sur, j'ai cherché son Facebook et j'ai rien trouvé d'intéressant sur elle. Donc voilà. Bon. J'ai juste vu qu'elle avait partagé des images de roller. Lucille Pirot, manifeste-toi dans ce podcast. Ouais, dis-nous si tu qui nous tu écoutes. Es. Ouais. Voilà. Et alors Elliot Tremblay, moi j'aimerais bien parler de ce personnage qui m'a laissé un peu perplexe et que j'ai trouvé assez drôle au final. Je savais pas trop quoi en penser. Je trouve cool et bien qu'ils aient pris une femme pour jouer le rôle, et en même temps, je me suis pas mal interrogée. Je me suis dit, ils auraient peut-être pu prendre un acteur patineur masculin parce qu'on en manque pas non plus. Mais ouais, t'en as pensé quoi toi de ce personnage? Bah, je sais pas trop sur quel pied danser avec lui, parce que enfin au début en fait je savais pas trop sur quel pied danser. C'est le patineur rêvé de Lola, et puis en fait il va l'aider, il va lui donner confiance en elle, et puis au final bah il va vouloir coucher avec elle. Oui, voilà, c'est par intérêt hein. Ouais, voilà, c'est exactement, parce qu'après on va voir qu'il fait la même chose une fois qu'il il a fait, oh bah non, Lola c'est pas mon truc, c'est finalement ça. Il va faire la même chose avec la seconde, avec la deuxième patineuse là, et bah en fait si c'est son rôle, je veux dire voilà, on sait maintenant que il n'est pas fait pour Lola. Il n'est pas fait pour Lola, ouais, c'est ça. Et puis c'est un connard entre guillemets. C'est ça, mais est-ce que ça met pas trop en avant tous les mecs sont des connards, tu vois. En tout cas dans le patinage, parce que là pour en fait, c'est le seul représentant masculin en patineur artistique. Ouais, c'est vrai. Bon, faut réussir à pas en faire une généralité. Oui, c'est ça, faut avoir assez de recul pour se dire bon. Voilà, ils sont pas tous comme ça non plus, mais c'est vrai que comme c'était le rêve de Lola, on aurait pu s'imaginer qu'effectivement il soit parfait, mais... Et oui, mais non. Mais voilà. Ça reste le mec sur un poster, mais c'est ça en fait, c'est... quand on a des fantasmes, c'est pas forcément une bonne idée de tous les assouvir. Non, voilà, puis c'est pas forcément la réalité du coup. Voilà, exactement, donc... Donc voilà, non, puis enfin pour moi c'est le seul représentant masculin, donc moi j'en fais pas une généralité. On verra s'il y a une saison 2 pour savoir ce qui va se passer avec d'autres représentants masculins. Ouais, c'est vrai que voilà. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Alors j'ai beaucoup aimé la figuration là pour le coup d'Eliott, enfin c'est lui voilà qui doublait Elliot, puisque c'est Romain Ponsard, qui est un patineur élite français, hein, qu'on voit évoluer sur la scène internationale. Donc, un vrai patineur artistique qui a du niveau, quoi. Ouais. Pour le coup. Donc là, c'est même kiffant, hein, quand on voit les scènes un peu loin, justement, d'Elliot, qui travaille ses sauts. Bon, là, on apprécie vraiment le patinage et la qualité de patinage. Là, donc, je suis d'accord avec c'est toi. C'est vraiment chouette. Voilà. Ouais. Et par contre, je m'étais même pas rendu compte que c'était une fille qui jouait le rôle. J'ai bien vu au générique que qu'il s'appelait Julie dans la vraie vie. Ben, j'avais le doute quand même, tu vois. Et puis, effectivement, oui. C'est bien une femme qui a même, je crois, un compagnon et un enfant, il me semble. J'avais fait quelques recherches sur elle, ouais. Alors, je le trouvais un petit peu efféminé, mais je m'étais... Mais elle joue très bien, en tout cas. Ouais, ouais. Elle joue très bien. Ah, et pour en revenir, en fait, même si je trouve ça dommage qu'on ait d'un côté des cascadeurs qui doublent les acteurs, mais d'un autre côté, c'est mieux comme ça, plutôt que des cascadeurs qui ne savent pas jouer et qui jouent et qui joueraient, qui seraient super bons en patinage. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc c'est un reproche, mais comme je dis, c'est pareil même dans les super productions américaines. Hein, oui, c'est, complètement. C'est voilà. Bah, j'aurais bien voulu voir Romain Ponsard jouer, histoire de voir ce que ça pouvait donner. Mais... Ouais, et bah tu sais qu'on. Qu'est-ce que j'ai perdu son nom. Voilà, Julia Clavel joue en fait dans le. Donc c'est elle la conseillère technique roller. Oui, je me souviens, oui. De toute la série, en fait, elle joue un second rôle, enfin un rôle dans l'équipe de Derby. De Derby, ouais, oui. Ouais, c'est. Oui, il me semble bien avoir vu effectivement. Alors, donc on en revient à ce fameux Axel, hein, ouais. qui avait cassé un peu l'avenir de Lola, hein, à cause de cette compétition ratée. Et donc elle est confrontée à nouveau à son passé et elle arrive toujours pas à passer au-delà. Hein, donc c'est très compliqué pour elle. On se demande effectivement est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va pas y arriver. Puis non, elle y arrive pas, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, hein, c'est le. Elle va se battre dans la série contre l'Axel, quoi, hein, et tous les mauvais souvenirs qui vont avec. C'est un de ses combats. Hein. Elle va se battre donc contre sa meilleure ennemie là, Barbie Misery, contre l'Axel, et puis notamment contre le fait que sa mère l'a abandonnée. Et, ouais. Donc c'est un peu lié de son Axel et sa mère. Alors après on arrive à la rencontre avec Nelson Montfort. Ouais, j'ai bien aimé cette rencontre. Ben moi aussi, je m'attendais pas à le voir parce qu'on, je pensais que c'était juste une voix off et en fait, donc il lui fait juste prendre conscience que ses rêves de jeune fille ne sont plus les mêmes depuis qu'elle a rencontré Mother Blocker et qu'elle s'est pardon, oui, qu'elle s'est laissée pousser le minou. Depuis qu'elle a fait du derby surtout. Moi, la question que je me pose, parce qu'en fait, on voit Nelson Montfort arriver quand elle est toute seule sur la patinoire est éteinte, ouais. Enfin, il fait noir dans la patinoire, et là, elle le voit et elle discute avec elle. Donc, il n'y a personne d'autre pour être témoin de la scène. Non. Donc, est-ce qu'elle le voit vraiment ou est-ce que c'est son imagination? Bah non. Enfin, en tout cas, on imagine bien que c'est son imagination. Enfin, on s'en doute, quoi, que... Puisqu'à ce moment, elle est dans son lit, donc ça peut être un rêve. Moi, je le vois, j'ai plus vu effectivement comme un rêve. Donc c'est très drôle parce que elle fait pas du patinage artistique à ce moment-là dans son rêve. Elle fait du derby. Et c'est à ce moment-là que Nelson l'appelle en fait et lui dit mais peut-être qu'en fait ton rêve c'est plus le patinage artistique. Et j'ai bien aimé ouais ce passage. J'ai bien aimé sa prise de conscience en fait en se disant bah en fait non voilà. Ça y est, je suis une féministe, je m'assume et je veux faire du roller derby, quoi. Ouais, tout à fait. Moi aussi, c'est la scène, le déclic, quoi, qu'il va y avoir dans sa tête et c'est le point de non-retour. C'est ça. Autre chose là-dessus ou... Non, après, le reste de la scène est assez drôle au moment où elle arrive comme une rebelle, quoi. Comme une rebelle, elle a détaché ses cheveux, elle s'est habillée comme elle l'avait envie de s'habiller, elle est plus du tout dans le cliché de la patineuse. Donc, elle picole bien surtout. Ce qui lui arrivait pas trop jusque-là, hein. L'alcool c'était pas son truc, quoi. Hein. Donc, elle picole bien, elle envoie chier tout le monde, et puis elle a raison, quoi. Elle fait vraiment elle a vraiment l'attitude derby girl, là. Et ça j'ai bien aimé. Elle a raison, je suis pas d'accord, mais bon, après, ouais. Voilà. Et puis donc, je voulais juste dire un petit mot sur la dernière scène où on la voit rentrer chez son père, sans s'excuser. Ouais. Elle a le moral dans les chaussettes, parce qu'elle a renoncé à son ancien rêve, donc d'être sous les feux des projecteurs, admirée, faire la une des journaux et tout ça. Et donc là, je sais pas si à ce moment dans sa vie, ça va mieux ou moins bien que quand elle a quitté son père pour juste avant en fait. Voilà, ouais. Elle a pris conscience, mais c'est toujours la loose quoi pour elle. Hein. Il y a une prise de conscience, mais elle est pas encore suffisamment déterminée à faire des choix quoi. Ouais, elle vient encore de subir un échec. Mm. Alors bon, on verra bien comment ça va se finir tout ça. C'est ça. On passe à l'épisode 7. Allez. Donc, épisode 7, le pan et le loup. Tu disais que c'était un épisode de transition? Oui, je trouve que c'est un petit épisode de transition. Alors, on a l'équipe qui a splitté, qui n'existe plus. Elle se retrouve donc Lola seule, sans travail, sans amis. Mother Blocker, elle aussi, a complètement changé. Elle travaille, veut passer à autre chose. Moi, ça me fait rire, hein, ce passage, mais... Quand on voit Mother Blocker avec la petite veste en tailleur, sur elle, voilà, mon tailleur. Petit tailleur, les cheveux attachés... Bon. Ah non, mais attends, j'ai un boulot maintenant, tu comprends, c'est fini, hein, les trucs de derby, là, c'est ça. Énorme, quoi, c'est... Et puis surtout, pas longtemps, parce que Lola, elle s'est pas absentée si longtemps que ça, au final, donc... Non, elle s'est pas absentée aussi longtemps que ça, mais dans l'épisode précédent, en fait, à partir du moment... Enfin, on a vu que MJ l'avait appelée. Et bon, elle était avec Elliot, donc forcément, elle a dit « Non, MJ, c'est pas le moment. Mm. » Et on s'est rendu compte qu'elle avait carrément coupé les ponts avec son ancienne équipe. C'est ça. Elle les a jamais appelés, quoi. Non. Donc ok, ça fait peut-être pas longtemps, mais au final, ça fait une éternité, en fait, quand t'as pas du tout de nouvelles. C'est ça. Puis elle a pas voulu en donner, au final, donc... C'est plutôt normal que l'équipe se retourne un peu contre elle à ce moment-là. Ouais, c'est complètement normal, c'est clair. Ouais. Donc ouais, au bout de 2 semaines, elle essaye de se prendre en main, parce que on la voit, hein, sur le canapé, et son père lui fait bon, faudrait peut-être se bouger là, hein, puis tu pues aussi. donc elle a quand même comaté pendant 2 semaines quoi. Mais donc tout va mal, elle arrive pas à voir MJ. Elle n'arrive pas à récupérer son boulot. Elle se prend une amende. Donc, c'est vraiment... Elle est encore plus profond dans la merde qu'avant. C'est Et ça. Finalement, la roue tourne. Elle récupère MJ comme BFF. Best Friend Forever. l'équipe contre qui elles ont perdu le dernier match de la Moon Derby Cup a eu un accident de voiture. Ce qui fait qu'elles sont qualifiées pour le tour suivant. Et alors, t'as pas précisé, elles ont eu un accident de voiture, elles sont toutes mortes, hein, toute l'équipe est morte. Et là, tu vois, on a un petit retour quand même d'humour noir, hein, à ce niveau-là. Oui. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Oui, parce qu'on l'a fait, oh, mais c'est triste, mais c'est génial, c'est triste. Bah, ouais, on sait pas trop sur quel pied danser, c'est vrai que c'est. Moi, j'aime bien ce petit humour. C'est drôle. Noir comme ça. Ouais. C'est, oui. C'est assez drôle. Ouais. Alors, j'ai bien aimé la scène où justement elle essaye de récupérer son boulot et au final, bon, forcément le gars lui dit non, je vais pas te reprendre et un peu par vengeance, elle récupère son poster qui était affiché dans le bureau. Et c'est là aussi qu'on comprend, bah ça y est, elle est vraiment en train de devenir une derby girl quoi et plus une patineuse artistique. Et même ça, tu vois, elle le supprime, en fait, hein, quelque part. Elle efface de sa vie. Oui, elle veut complètement, complètement changer, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Mm. Alors, on retrouve aussi la mère d'MJ, parce que quand elle va voir, elle essaie de récupérer MJ, elle est confrontée à la mère d'MJ, mais alors, j'ai adoré l'actrice qui jouait la mère d'MJ, elle m'a fait mourir de rire. Oui, quand elle s'en va... Mais même son élocution est drôle. Ouais, non, mais enfin, c'est sa scène qui est drôle. Quoi. La scène est tellement drôle. Ah oui, c'est MJ. Ah oui, elle est là. Vous êtes qui? Ah non, non, non, elle est pas là. Enfin, non, en fait, elle est pas là. J'ai oublié. Ah ouais, elle est pas crédible pour le sou. Mais pourquoi vous marchez en reculons comme ça? voilà. Cette scène est géniale. Donc, ah ouais. J'ai adoré cette scène, vraiment. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je vous vois, là. Vous essayez de vous cacher. C'était tellement drôle. Ouais, ouais, j'ai bien aimé cette scène. Ouais. Donc après, effectivement, on a la... Le... C'est pas vraiment un accident, hein, où elle se fait arrêter. Non, c'est donc... l'amende, ouais. Voilà, elle se prend une amende. Tout ça, bon là aussi c'est un peu du remplissage hein, parce que ça apporte absolument rien à l'histoire hein, au final, mais c'est drôle de retrouver pour dire que voilà, elle se retrouve confrontée au petit bled où tout le monde se connaît, où bah, même le gendarme en fait c'était un élève de son père, le porte-clés lumineux. Je reviens sur le ouais, porte-clés ouais. lumineux parce que je sais pas si toi aussi en techno tu as fait un porte-clés lumineux, mais moi j'en ai fait un. Oh, je me souviens plus, mais c'est bien possible que... Oui, je crois bien que j'en ai fait un, ouais, ouais, tout à fait. Mais ouais. Quand la techno existait encore, parce qu'aujourd'hui la techno c'est plus ça, hein, en collège, la techno aujourd'hui ils sont sur des ordinateurs, donc ils fabriquent plus rien malheureusement. Mais moi j'ai ce souvenir aussi mythique en techno, où on pouvait... souder nos petits circuits électriques et avoir notre petite lampe à la fin et notre petit porte-clés. Et j'ai ouais, trouvé ouais. ça génial d'avoir repris ça parce que c'est tout à fait ma génération, en tout cas. Ouais. Et puis demander le permis pour une voiture sans permis, c'est quand même drôle, quoi. Mais ça, c'est comme, enfin, c'est typique des policiers français qui, dans les films, se font passer, enfin, sont toujours pris pour des gros imbéciles. Ouais. Bon, moi, ça me. Sauf les films policiers, bien évidemment, mais dans beaucoup de films, en fait, on fait passer les policiers pour des imbéciles qui n'ont pas le bac ou autre. Ça m'agace un petit peu, mais bon, c'est pas grave, bon, c'est comme ça. Non, mais c'est raccord avec la série, tu vois ce que je veux dire. Oui. Oh, c'est sûr, plutôt normal, parce que au final, le réel, il a choisi effectivement de faire passer tout le monde pour des neuneux, des clichés, donc oui, non, c'est plutôt cohérent, quoi. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, donc, tu dis ananas ou anana, toi? Moi, je dis ananas, il y a un S à la fin. Je dis un ananas et des ananas. Alors, ça, faut m'expliquer. Je sais Quelle pas, est la je... règle? En fait, non, je dis un os des os. Ça, c'est... J'en suis sûr que c'est comme ça. Et ananas, je sais pas si c'est pareil. Mais un os des os, ça, c'est sûr. Alors là, on fait appel à tous les profs de français de France de nous expliquer quelle est la règle. Est-ce qu'on prononce ananas ou anana? Voilà. Voilà. Et mais c'est vrai que pour faire le... Il y avait quelqu'un qui se... Je crois que c'est Kim Silver qui s'appelait. Un mec qui allait dans les boîtes de nuit faire des shows. Qui faisait des... qui jouait avec des nunchaku, enfin qui était un athlète quoi, qui d'arts martiaux, et il mettait une femme, il allongeait une femme, et sur la femme, il mettait sur le ventre de la femme, il mettait un ananas, et il prenait donc un sabre et il coupait l'ananas sans couper le ventre de la femme, et le jeu de mots qu'on faisait, c'était il a mis l'ananas sur l'ananas. Voilà, donc si on croit la blague, il y a pas, on ne prononce pas le S à ananas. D'accord. Voilà. Après, on voit son père qui monte des bottines de patinage artistique sur le châssis de quad. Ouais. C'est pas possible, quoi. Pour faire du derby, enfin, je rappelle que des bottines de patinage artistique, il y a un talon, en fait. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait possible, pourtant. Contrairement à ce que tu pourrais penser. Attends, de prendre un châssis de... Ok, enfin, en théorie, c'est possible. Ouais. Mais pour pratiquer le derby, est-ce que c'est non. intéressant? Alors, j'ai une connaissance qui l'a fait. Une fille qui faisait du patinage artistique dans mon club, qui a fait du derby avec ses patins de patinage artistique. Hein. C'est quoi d'artistique? J'ai envie de dire... Ça dépend quel est ton objectif dans le temps, dans le derby. Parce que autant la platine, elle va être vraiment top, autant tu risques à un certain niveau d'être gêné par la bottine. Parce que une bottine d'artistique, c'est extrêmement rigide, hein, c'est comme une botte de ski. Et le problème, c'est qu'en derby, t'as besoin d'avoir une cheville dégagée pour pouvoir descendre très très bas, en fait, sur tes jambes. Et même dans les virages, parce que on tourne hein, sur une piste de derby, on est tout le temps, enfin on n'est pas tout le temps croisé, mais en tout cas quand on est jammeuse, C'est principalement des croisés, en fait, c'est sur tes poussées sur les longueurs. Après, dans le pack, c'est moins gênant, si tu veux, parce que du coup, t'as un bon maintien de la cheville. Mais effectivement, quand tu sors du pack et que tu dois vraiment prendre de la vitesse dans les virages, là, t'es gêné. Là, t'es vraiment gêné au niveau de la cheville si elle n'est pas dégagée. Voilà. Donc, ouais, donc il a fait un truc hybride. C'est, voilà, il a c'est fait un truc hybride. Bon, voilà. Disons que, de toute façon, elles évoluent pas non plus dans une, dans une oui. super équipe. Donc, ça passe encore, quoi. Voilà. C'est... Mais c'est vrai que elle, qui est habituée au patinage artistique, on peut se dire, oui, ça peut être cohérent, effectivement, qu'elle remette ses bottines d'artistique, quoi. Après, les bottines qu'on voit, c'est pas des vraies bottines d'artistique. Et c'est pas une vraie platine non plus. C'est pas du tout une platine de derby. Donc ça, il faut bien le comprendre, effectivement. Je crois que c'est des... Je sais plus, on avait cité les marques, il me semble, dans un podcast précédent, si c'était les Impala ou les Rio. Mais dans les deux cas, c'est pas du tout une bottine d'artistique ni de derby. Hein. On peut pas faire ni du derby ni de l'artistique avec ces bottines-là, dans tous les cas, quoi. Donc c'est un peu dommage, tu vois, on retrouve un peu cette question du matériel qui est pas très cohérente, quoi. Donc c'est dommage, quoi. Voilà. Oui, bah là de son, ça c'est vrai que c'était vraiment pour faire le clin d'œil du attends, je vais te reprendre un ancien truc à toi et je vais te le modifier. C'est ça. Et ça va être super et bon, alors qu'en fait, en réalité. Mais alors j'aime bien parce que il sort une clé pour visser les écrous, mais en fait pour monter une platine tu n'utilises pas ce genre de clé là. Ah non, mais là je pense qu'il a percé des trous et il a mis ses trucs à lui, hein. je sais pas comment il a fait, mais ah bah, il aurait pu faire avec ça, en tout cas. Mais moi qui ai l'habitude de monter des bottines. Bon courage pour Lola, hein, patiner avec ça, quoi. Ok. Et alors, sinon, je voulais revenir sur le côté badass. Ou alors, moi, badass, c'est un terme anglais que tout le monde comprend. J'aime bien les anglicismes, mais en français, je le traduirais par dur à cuire. Ouais. Je sais pas trop si c'est s'il y a mieux comme traduction. Donc ce côté dur à cuire du roller derby, quand les filles font fuir les trois basketteurs, mais à quel point c'est réaliste et à quel point c'est quoi le côté badass du roller derby, en fait, c'est quoi l'esprit derby? Voilà, c'est ça ma question, c'est quoi l'esprit derby? Alors n'y étant plus depuis un petit certain moment quand même. Je dirais que le côté badass du derby, en tout cas moi, ce qui m'a attiré c'est le côté agressif du derby, en fait, hein, tu vois, c'est le côté justement où on n'a pas peur de se faire mal, on n'a pas peur de se rentrer dedans, on n'a pas peur de s'assumer. C'est à tout point de vue, c'est d'un point de vue physique et psychologique, le côté badass du derby. Mmh. Je le vois plus comme ça, tu vois. Ouais. Et là, c'est ce que ça présente, en fait, hein. C'est ce que Lola nous fait passer aussi dans la série, parce que elle a beau être une patineuse artistique, c'est quelqu'un qui en veut, qui commence à s'assumer, qui veut s'assumer, qui voilà, et qui a pas peur de se faire mal non plus, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, elle garde comme une coupe de cheveux normale comparée à l'autre qui avait des cheveux rouges là qui me faisait bien rire. Ouais, après c'est pas qu'un look, tu vois, c'est vrai qu'on parle beaucoup du look des joueuses de derby parce qu'on se ressemble beaucoup et puis c'est un milieu qui attire un peu les mêmes personnes, les personnes qui se ressemblent, et c'est normal, hein, on adhère à un groupe, on adhère à un esprit. On est beaucoup de filles tatouées par exemple, et c'est pas étonnant, oui. En fait, moi c'est vrai que je me suis tatouée assez vite et j'étais pas la seule du coup dans le derby à être tatouée. Par contre, en patineuse artistique, franchement, je suis une des seules, quoi, à avoir les tatouages que j'ai. Mais effectivement, ouais, il y a ce côté le look, hein, de la derby girl, un peu rebelle. Et puis après, il y a cet esprit, l'esprit derby, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc tu voulais parler du protège-dents. Ouais. Que c'est sorti du derby, ouais. Ouais, c'est vraiment. J'ai adoré cette dernière scène où effectivement bah, elles mettent toutes leurs protège-dents parce que effectivement, ça caractérise aussi la roller girl, hein, le protège-dents. On peut pas faire un match sans protège-dents. Si on n'a pas toutes les protections nécessaires, on peut pas faire de match tout court. Mais oui, et puis on en joue aussi, quoi. Enfin, c'est un truc. C'est le truc qui fait qu'on est badass, qu'on est dur à cuire, qu'on n'a pas peur de se faire mal, quoi. On n'a pas peur de se casser les dents. Peu importe ce qui peut se passer, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que, oui, enfin, sur le protège-dents, c'est super utile, hein. Alors, c'est marrant parce qu'au hockey, il me semble qu'ils n'en mettent pas. Ouais, c'est possible. C'est qu'au rugby, ils en mettent. Et moi, j'ai fait une année de hockey, mais j'étais jeune et à l'époque, j'avais pas les vraies règles. Mais quand j'étais allé acheter mon équipement de hockey, le mec en grande surface, il m'a dit mais tu prends pas de protège-dents. Je dis bah non, c'est pas sur la liste, j'en prends pas. Puis son personne n'en avait dans l'équipe. Mais non, parce que le roller hockey, on a un casque. Oui. Donc on est quand même protégé si tu veux. Oui. Alors que il faut pas confondre, tu sais, le roller hockey et le hockey quad. Qu'on appelle aussi le rink hockey, voilà. Ouais. Le rink hockey, il n'y a pas de contact. Donc, ils ne se touchent pas. Donc, ils n'ont pas besoin, si tu veux, d'autant de protection, par exemple, que sur le roller hockey. En roller hockey, ils sont un peu comme sur glace. Hein, donc, c'est aussi violent. Et encore, je ne suis pas sûre, je ne connais pas suffisamment les règles hein, du roller hockey, mais je ne suis même pas sûre qu'ils aient le droit d'avoir des contacts. Il me semble que non, mais je sais que dans mon club, ils se gênent pas trop parce que beaucoup viennent de la glace, donc ils hésitent pas à se rentrer dedans pour autant, tu vois. Ouais. Mais en derby, oui, il y a du contact, un peu comme la boxe, donc oui, on est obligé de mettre des protège-dents. Et moi, ça m'est arrivé hein, de m'éclater la tronche par terre, hein, donc j'étais content d'avoir le protège-dents. Ouais, bah c'est clair, c'est ça coûte ouais, pas grand chose. Oui, quand tu tombes sur le visage, sur le menton, tu peux vraiment facilement te péter une dent, quoi. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour cet épisode ou est-ce que non. Je peux conclure ? Ouais, tu peux conclure. Eh bah c'est très bien. Tiens, dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial là ? Ça dépend. En tapant mon nom, on me trouve partout. Donc ouais. Voilà. Bah, la dernière fois, on avait parlé, je crois, de Facebook, Instagram. Oui. On peut me retrouver aussi. On peut retrouver ma boutique d'illustration, puisque comme je suis prof d'art plastique, je suis aussi illustratrice, graphiste. Donc je réalise en fait des illustrations de patinage. Qu'on retrouve ben, sur plein de goodies, ça peut être des t-shirts, ça peut être des mugs, ça peut être des tabliers, des tapis de souris, tout ce que vous voulez. Ouais. Voilà, donc la boutique, c'est Boucle 3 Braquettes. Alors, Boucle 3 Braquettes, en fait, c'est référence à trois pas du patinage artistique qui sont assez complexes à réaliser. Voilà. Ok, très bien. Et puis bah maintenant j'en appelle à vous, chers auditeurs, si vous voulez nous aider à faire grandir ce podcast et surtout à rejoindre l'équipe du podcast parce que nous cherchons des chroniqueurs, nous cherchons plein de choses, plein de personnes pour nous aider à améliorer le podcast et à faire plein d'épisodes. L'idéal serait qu'on ait plus qu'un épisode par semaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook de Balade Roller ou sur le site de Roller en ligne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur l'épisode, même plusieurs commentaires si vous avez le droit. Voilà, vous parlez de ce podcast à vos amis, à votre club, vous leur faites écouter vos épisodes préférés. Et puis voilà, c'était Balade au roller, le podcast de roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.